Au sport. Le 18 janvier, au hockey mineur dans la Ligue Simple-Lette à Ferd-Saint-François, l'équipe Atome A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Thibault GM Sherbrooke à Istengis à 13h30.